ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Berlin Kid, Roger Coulombe, as-pilote et héros oublié de la Seconde Guerre mondiale. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on vous appelle Berlin Kid? C'est parce que j'ai fait 12 raids à Berlin. Et puis, c'est moi qui en ai fait le plus grand nombre parmi les pilotes du Bomber Command. Et puis, à l'escadrille, mes compagnons d'escadrille m'appelaient le Berlin Kid pour rire. Pour taquiner un petit peu. Me taquiner, c'est ça. Et puis après ça, le tabloïd Wings Abroad a continué l'appellation. Roger Coulombe, le Berlin Kid, qui répond aux questions de Christine Fournier lors d'une émission spéciale présentée en mai 1995 à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire alliée dans la Seconde Guerre mondiale. Si le Berlin Kid a bel et bien participé à 12 attaques aériennes sur Berlin, c'est 30 missions qu'il a effectuées au total sur l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler au cours de la guerre. Et raconter l'histoire de Roger Coulombe, c'est aussi de faire raconter l'histoire de ses pilotes de bombardiers et des conditions périlleuses qu'ils ont vécues au cours de la guerre. Ça vous est arrivé de vous retrouver avec un appareil qui est touché? Oui, très endommagé. Oui. Par exemple? J'avais perdu un moteur, d'abord le moteur numéro 2, le porte-N1, sur mon avion au-dessus de l'objectif. Et puis en revenant à mi-chemin, j'ai perdu un autre moteur qui était le starboard Arthur, le numéro 4. Et puis, au-dessus de la mer du Nord, juste avant d'atterrir, j'avais besoin de 2400 révolutions pour mon moteur de droite, là, le starboard N1. J'en avais rien que 1700. Alors, j'étais obligé d'envoyer un SOS, un Mayday Call, là, pour qu'un aérodrome ouvre sa piste pour vous. Pour moi. Lumière, ça. Alors, c'est arrivé sur la côte, là, il y avait un aérodrome de B-17 américain. C'est là que j'ai atterri. Rien que sur un redrou, parce que j'avais un pneu qui était crevé. Qu'est-ce qu'on se dit une fois qu'on a touché le sol? On est soulagé, hein? Merci, oui. Seigneur. À nouveau, Roger Coulombe en entrevue avec Christine Fournier lors de cette émission spéciale présentée à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire alliée durant la Seconde Guerre mondiale, entrevue qu'il accorde en mai 1995. Pour nous parler des exploits du Berlin Kid, pour nous raconter aussi son destin assez unique, je reçois la journaliste et autrice Hélène de Billy. Elle vient de faire paraître le livre Le Berlin Kid, le Québécois téméraire qui a bombardé l'Allemagne durant la guerre. Hélène de Billy, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord, Hélène de Billy, de raconter l'histoire de Roger Coulombe? Eh bien, c'était un collègue de mon père à l'université. Et mon père me le mentionnait quelquefois. C'est le nom que j'ai retenu, finalement, le Berlin Kid. Papa disait toujours « le Berlin Kid ». Alors, moi, ça m'a frappé. Mais j'ai pas tout de suite pensé raconter cette histoire-là parce que, bon, la guerre, c'était pas tout à fait ma spécialité. Mais à un moment donné, je me suis penchée sur certaines archives. J'ai fouillé un petit peu. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que ici, on endossait toujours le même récit sur la guerre, c'est-à-dire un récit unique, toute la lutte qu'on a faite au Québec contre la conscription. Oui. C'est vrai que c'est un aspect très important. Mais quand même, on n'a jamais écrit, et c'est quand même un peu étrange, je suis la première à écrire sur les aviateurs, qui étaient la crème de la crème, et les pilotes qui ont bombardé l'Allemagne, qui se sont engagés dans l'aviation, parce qu'il y avait des pilotes, mais il y était 7 dans le bombardier. Alors, Coulombe est un des plus spectaculaires, si on veut, mais il y en a d'autres, et ce qui m'a motivée, ça a été de un petit peu casser ce récit unique et de dire, hey, on n'a pas juste, lutter contre la guerre, mais on est allé et des gars comme Coulombe, ils sont allés. Raconter cette histoire de jeunes comme Roger Coulombe qui décident de s'engager, qui veulent participer à ce qu'eux considèrent, je ne sais pas, est-ce que c'est au nom de la liberté, est-ce que c'est au nom de l'aventure, mais ils considèrent qu'il y a une aventure là qui les attend, aller combattre en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire-là, c'est ça que vous vouliez raconter? Donc. Bien, c'est-à-dire que vous avez raison, c'était des jeunes hommes qui étaient attirés par l'aventure. Ils ont 20 ans et n'oubliez pas, on est au début de l'aviation. Alors, comme Roger Coulombe, les jeunes garçons, ils viennent de Montmagny, ils viennent de la campagne, ils rêvent de ça. ils veulent piloter leur avion au-dessus de l'Allemagne. Alors, au départ, c'est une aventure tout simplement pour se prouver qu'on est un homme, pour mm-hmm. se prouver toutes sortes de choses. Mais tu sais, ça prend du courage, ça prend de l'audace. Et là, ils y vont. Et Coulomb est un de ceux qui s'est vraiment démarqué parce que, comme il l'expliquait en archive, c'est celui qui a fait le plus de bombardements sur Berlin. Mais il dit du Bomber Command. Oui, mais le Bomber Command, c'est toute l'aviation alliée, pas juste l'aviation canadienne, de tout le monde. Il était un héros parmi tous. Oui. Et c'est ça que je veux établir un peu. Oui. C'est que ça existait. Et d'autant que c'est une noble intention de raconter l'histoire de ces hommes parce que, vous me corrigerez, mais je pense que dans le cas de Roger Coulomb, puis dans le cas de plein d'autres, ces héros de guerre, entre guillemets, ces hommes-là sont revenus de la guerre. La plupart du temps, très discrets sur ce qu'ils avaient vécu, sur ce qu'ils avaient réalisé comme exploit. Absolument. Mais il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la guerre, dans tous les pays, et particulièrement en Angleterre, on ne voulait plus rien entendre de ça. Parce oui. que, évidemment, ça avait été tragique. N'oubliez pas que ces bombardements ont fait 500 000 de victimes en Allemagne, mm-hmm. chez les civils. Donc, c'était quelque chose qui était difficile à envisager. Et une des... vos auditeurs connaissent bien l'histoire et savent bien qu'au lendemain de la guerre, Churchill n'a pas été réélu en Angleterre. Autrement dit, c'était... fini. Pourtant, Churchill avait gagné la guerre. Ouais. Et donc, Coulomb aussi se trouvait parmi, si vous voulez, entre guillemets toujours, hein, les gagnants. Mais on voulait même plus des gagnants. On voulait passer à autre chose. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Avant de parler plus en détail, Hélène de Billy, de ce que va réaliser, et puis ça vaut le détour vraiment, de ce que va réaliser Roger Coulomb dans le ciel européen, un petit mot sur le bonhomme avant cette aventure qui l'attend au cours de la Seconde Guerre mondiale. Qui est-il? Il naît en 1920 à Berthier-sur-Mer, dans la région de Montmagny, mais racontez-nous un peu son parcours. Alors, Roger Coulomb, il est issu d'une famille de 14 enfants, de ce que moi j'appelle l'aristocratie paysanne canadienne-française. Si vous voulez, oubliez pas, on est au début du 20e siècle. Les Canadiens-Français ne sont pas encore des Québécois. Ce sont des gens qui ont de la parenté un peu partout au Canada, aux États-Unis, tout ça, tu sais. Et ils sont dans la fierté de leurs origines, dans la fierté de ce qu'ils sont. Et Coulomb, qui parle le latin, qui joue magnifiquement au piano, qui lit énormément, qui connaît Victor Hugo et tout ça. Quand il s'en va en Angleterre, c'est sûr qu'il n'y a pas de complexe d'infériorité. Puis c'est là que j'ai trouvé, c'est très intéressant, cet esprit-là, il se tient debout devant les commandants anglais qui sont absolument méprisants. En Angleterre, c'est une société qui est très stratifiée. Mais Coulomb tient son bout. Et j'en reviens pas, quand il choisit son navigateur Tremblay, un Jerry Tremblay, un gars de Québec, il lui parle en français... Hey, dans une assemblée où personne parle en français, parce que lui, il n'est pas avec les Alouettes, l'escadron qui est francophone, il est avec le Thunderbird. Et donc, il se présente là. Alors, on peut juger de la façon dont il se tient droit. Il y a 22 ans, là, il ne faut pas oublier. Oui. Donc, grande détermination, puis ça a peut-être un lien avec ce que vous appelez cette espèce d'aristocratie, une légitimité en tout cas. Il arrive avec un aplomb certain en Europe. On va revenir tout de suite en écoutant à nouveau un extrait de cette entrevue qu'il accorde Roger Coulomb à Christine Fournier. On va revenir sur ce que ça a voulu dire quand même pour lui. On rentre dans le vif du sujet. Ce que ça a voulu dire, c'est de participer à ces raids aériens sur Berlin durant la guerre. Aller bombarder Berlin, c'était une aventure plus difficile que les autres? Oui, Berlin, c'était un objectif qui était très éloigné hein, de l'Angleterre. Et puis, il fallait, ça voulait dire voler pendant 7 heures, 8 heures, même 8 heures et quart. J'ai fait un envolée de 8 heures et quart. Alors, c'était loin en Allemagne, et puis fallait on était soumis aux attaques des chasseurs, à aller-retour, et puis les défenses de Berlin étaient considérables, hein? Probablement les plus formidables de toute l'Allemagne. OK. Et j'imagine que vous deviez à ce moment-là traverser plusieurs zones ennemies. Ils étaient marqués de rouge, ces zones-là, sur des cartes. Oui. Bien, évidemment, on essayait de ne pas voler au-dessus de ces zones rouges-là. On volait entre les zones rouges, mais à Berlin, la zone de défense pour les canons anti-avions, était à peu près 40 000 de diamètre. Et puis, la ceinture de projecteurs, de searchlights, c'est à 60 000 de diamètre. Alors, ça faisait grand à traverser ça. Donc, on le comprend bien, Hélène de Billy, en entendant cet extrait, survoler Berlin, mais même avant, se rendre jusqu'à Berlin, c'est pas une sinécure. Qu'est-ce que ça représentait concrètement d'être à bord d'un bombardier, de piloter un bombardier, comme l'a fait Roger Coulombe à ce moment-là? Tu sais, c'est des jeunes gars qui sont lancés quasiment dans la fournaise, tu sais. Oui. Et puis là, on leur dit, allez-y, puis revenez. Deux sur trois ne reviennent pas. C'est un défi impossible jusqu'à un certain point. Alors, ça représente énormément. Ça représente une pression considérable. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, tout ce que tu as en tête, c'est t'en sortir. Et bon, quelqu'un comme, je pense, Roger Coulombe était très habile. C'était un aviateur de première catégorie. Il était doué. Et donc, ça relevait de l'impossible. Il revenait chaque fois, il se disait, non, on ne reviendra pas. Mais oui, il revenait. Oui. Et de fait, vous avez eu la chance, en travaillant sur votre livre, Le Berlin Kid, de mettre la main sur son journal, le journal qu'il tenait, Roger Coulombe. Est-ce qu'il en parle de ça? Comment il les décrit, ses attaques, ses raids sur Berlin? Bon, il y a deux documents. Il y a son journal personnel en français qui écrit un petit peu pour sa mère parce qu'il est certain qu'il va mourir. Puis il a écrit sur ce journal-là « To be sent home ». Et en anglais, il a juste écrit « Envoyez ça à la maison ». Parce que tu ne pouvais pas parler des opérations quand tu écrivais une lettre. C'était censuré. La censure passait là-dessus, puis on ne pouvait pas rien dire. Alors, il s'est mis à écrire son journal comme ça, mais évidemment, il ne dit pas tout. Il essaie de ne pas trop en mettre. Et il y a son journal en anglais qui en dit aussi. C'est un autre angle du récit. Mais il est très succinct. Tu sais, il n'y a pas énormément de temps, mais il écrit très bien. Il n'est pas du tout lyrique, tu sais. Il dit, c'est mon troisième raid, j'ai fait telle chose, telle chose. Il est très technique. Oui. Donc, on ne sent pas, si je vous comprends bien, on ne sent pas, par exemple, la peur qui peut l'habiter, l'adrénaline qui monte en lui. Il ne va pas de ce côté-là, dans son récit. Il ne va pas de ce côté-là. Je pense que quand il le ressent, vous allez probablement me questionner sur la mort de son frère. C'est la seule fois qu'il va laisser vraiment aller ses émotions. Mon héros, il pleure. Il pleure. Quand il perd son frère, c'est une catastrophe. Il dit, il a tellement de peine, il dit, j'étouffe. Tu sais, il étouffe de sanglots. Et plus tard, quand il est vieux, il pleure et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de vivre ses émotions. C'est quand même assez incroyable. Mais sur le moment, il va pas dire, j'ai peur. Ce serait une antithèse, là. Oh, il peut pas dire ça. C'est ça. Il est à la guerre. Il doit opérer. Il y a des objectifs très rationnels comme démarche. Oui. Cela dit, son frère, ça vaut quand même le détour. Vous dites, c'est un coup dur pour lui. Peut-être aussi beaucoup de culpabilité, mais racontez-moi cette histoire. Ils partent à la guerre ensemble. C'est un peu Roger, je pense, qui entraîne son frère, non? Bien, écoutez, moi, j'ai des documents et tout ça, puis des fois, je fais des liens entre deux choses. Je vois des photos et tout. Et pour moi, ça me semble très clair que le plus déterminé et puis le plus leader, c'est Roger. Oui. Mais Roland va partir, il va insister pour aller dans l'armée de l'air parce qu'au départ, il n'est pas accepté. Mais finalement, il va être accepté dans l'armée de l'air. Il va partir avant Roger. Et quand il arrive en Angleterre, c'est dans mon bouquin, c'est un petit peu un punch, mais il arrive et Roger ne le trouve pas. Finalement, il le trouve, les deux frères se rejoignent, puis pac! Roger n'a même pas commencé ses attaques et il apprend que son frère n'est pas revenu. Oui, c'est un coup. Et il le dit. Et tout d'un coup, il change. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il devient un homme. Il est très attentif. Oui. Il sait qu'il n'y a plus de blagues à faire, qu'il faut qu'il soit absolument méticuleux, parce que lui aussi va y passer. Oui. Rappel à l'ordre pour lui, et de fait, lui va réussir donc à survivre, entre guillemets, à cette guerre-là, en s'y illustrant, encore une fois, de maintes manières et de brillantes façons. Il y a une date qui est importante, le 2 décembre 43, puis cette date-là, il frôle quand même la mort, Roger Coulombe. On l'écoute évoquer cet épisode-là, encore une fois, avec beaucoup de scrupules. Vous allez voir, il l'évoque, mais à peine, dans cet extrait à nouveau, de l'entrevue qu'il donne à Christine Fournier en mai 1995. Quels sont les plus grands dangers que vous courez lorsque vous devez effectuer une mission? Bien, c'est d'abord le danger. Il y a l'attaque par les chasseurs sur le trajet pour aller à l'objectif. Et puis, il y a aussi le danger de collision. parce qu'on vole sans lumière. Hein. On est un paquet de bombardiers, là, puis il n'y a pas de lumière de navigation, rien. On est en pleine noirceur. On vole de nuit à ce moment-là. Ah, oui, de nuit, évidemment. Et après ça, bien, au-dessus de l'objectif, il y a la DCA hein, qui est toujours active. Les searchlights qui peuvent former des cônes. Et puis... Ce qu'on appelle être pris dans un faisceau de lumière. Oui, un faisceau de lumière, c'est ça. Il peut y avoir de 60 à 70, 80 faisceaux. Ça vous est arrivé d'être pris dans un faisceau de lumière? Oui, oui, à Berlin, le 2 décembre 1943, oui, surtout. Comment est-ce qu'on réagit? Bien, on est réellement... Ça nous saisit pour commencer, hein? J'imagine. Parce que c'est un vrai danger d'être pris dans un cône, là. C'est rare de pouvoir en sortir, même. Comment vous en êtes sorti, justement? Vous avez piqué, vous avez dû faire... Oui, oui, bien, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Moi, j'ai piqué, j'ai pris de la vitesse. J'ai parti de 22 000 pieds, j'ai descendu jusqu'à 14 000 pieds en prenant beaucoup de vitesse, puis en m'échappant comme ça de sorte que les projecteurs ne pouvaient plus me rejoindre. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ce fameux jour du 2 décembre 1943, Hélène de Billy, où Roger Coulombe vraiment passe très, très près de la mort? Je raconte ça dans le premier chapitre, le chapitre qui ouvre, parce que il ne le dit pas, là, puis ça démontre sa modestie, mais il va avoir sa DFC suite à cette opération-là qui a été absolument extraordinaire. C'est donc une la DFC, oui, oui, la médaille de mérite distingué. Et puis, oui, c'est un tour de force, tu sais. Puis quand il dit là, comme ça qu'il chute et tout, c'est vraiment incroyable parce que c'est une manœuvre aussi qui est en tire-bouchon. On appelle ça screw. Il est un petit peu mal à l'aise de se vanter, tu sais. Et c'est surprenant parce que d'autres fois, il se gêne pas. Mais la télévision pour les... la télévision pour les hommes de cette génération-là, c'est quand même un médium un petit peu intimidant. Et puis, ça y est pas arrivé souvent, évidemment, vu qu'il a jamais été interrogé. C'est la première fois en 95 qu'il est interrogé depuis qu'il est revenu de la guerre. Tu sais, on n'a jamais... penser à le questionner. Oui, puis je sais qu'en préparant l'émission, je lisais les notes que notre recherchiste m'a laissées sur votre pré-entrevue. Puis vous disiez, cette entrevue-là de 95 avec Christine Fournier, c'est assez phénoménal parce qu'au fond, c'est une table ronde. Ils sont plusieurs anciens combattants. C'est une star, mais il ne se rend pas compte. Il est tout modeste, il est un peu timide, mais il ne se rend pas compte qu'autour de la table, tout le monde le regarde comme avec admiration, finalement. Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, pas le dernier, l'autre avant, j'entends un des hommes qui fait « Hum! » Tu sais, ils savent qui il est, mais ils sont tout seuls, puis le kid, je pense qu'il a perdu l'habitude de tu sais, c'est comme si Elvis était enfermé dans un cachot, puis vous le sortiez au bout de, tu sais, 40 ans. C'est plus une star, c'est quelqu'un qui est un petit peu aveuglé par les spots, tu sais. Oui. Et qu'est-ce qu'il devient, le Berlin Kid, quand il revient au pays après tant d'exploits sur le front en Europe? Écoutez, le Kid est vraiment quelqu'un d'extraordinaire parce qu'après, il revient et là, il a une 11e année, mais il va poursuivre ses études, mais pas juste poursuivre, il va s'arranger pour faire dans ce temps-là, ça s'appelle un bac SR, et puis ça lui permet de compléter ses études collégiales, puis là, il s'en va en dentisterie à l'Université de Montréal, mais non content d'avoir un doctorat, il va en obtenir deux autres aux États-Unis. Donc, il est bilingue et tout. C'est un gars qui se laisse jamais aller, se laisse jamais abattre, tu sais. Il y a un côté rebelle, ce que moi j'aime beaucoup, parce que je pense qu'il n'aurait pas survécu sans ça. Mmh. Mais son côté rebelle fait en sorte qu'il se laisse jamais abattre. Alors, il ne va pas dire, moi, j'arrive la guerre, tu sais. Non, il poursuit sa destinée jusqu'à un certain point. Et puis ça prend une force de caractère aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont revenus de cette guerre ou d'autres guerres complètement traumatisés et qui auraient bien voulu rebondir, mais qui n'ont pas pu le faire. Non, puis ils sont pas moins héroïques. Il y a des tempéraments là-dedans, il y a des circonstances. Le kid a quand même bénéficié de l'appui de ses supérieurs, parce qu'à un moment donné, ils ont fait confiance. Et après la mort de son frère, c'est comme si on lui a dit, ben vas-y, fais ce que tu peux, puis t'as la latitude, tu sais. Oui. Alors, ça, c'est pas tout le monde qui l'a eu. Oui. Un mot en terminant sur... Puis on revient au fond, au début de notre entretien, vous nous disiez ce qui vous a motivé à parler, de, à raconter l'histoire de Roger Coulombe. Longtemps, il a été oublié, figure oubliée de cette Seconde Guerre mondiale. On a commencé à s'intéresser à nouveau à lui au début des années 90. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en Angleterre et au Canada anglais, où la guerre est quand même vue comme le grand marqueur de l'histoire moderne, c'est-à-dire que c'est une guerre qui nous a fabriqués, qui continue de nous fabriquer. Alors, en Angleterre, à un moment donné, on est revenu sur un peu le sentiment de culpabilité et tout ça, et on s'est dit, ces héros-là ont été négligés. Mmh. Donc, on est revenu sur ça, et beaucoup de livres ont été publiés, et on a interviewé Coulombe. C'est comme ça que moi, j'ai pu avoir accès à d'autres informations que celles dans son journal. Et ses collègues aussi, ses compagnons disent, racontent cette guerre-là. Autrement dit, voilà cette guerre racontée, mais jamais en français. Mm-hmm. Parce que nous, on a trop longtemps cru qu'on n'avait pas mené cette guerre-là, oui, qu'on ne l'avait pas gagnée. Mais des gars comme Coulombe, c'est grâce à eux si Hitler a pu être éradiqué de la surface de la Terre. Parce qu'on le dit souvent, les Anglais le répètent, c'est Bomber Command, c'est-à-dire que c'est les bombardiers qui finalement ont eu raison de cette terreur qui était partout. Et c'est pas la France qui a fait quoi que ce soit. La France était occupée. Oui. Donc, nous, on n'était pas avec la France, on pouvait pas, on était avec les justes, je m'excuse de le dire comme ça, mais on était avec la démocratie, les démocrates, et il n'y a pas juste Coulombe, j'en mentionne au moins 5 autres dans mon livre. Jacques Mercier, qui est le petit-fils du premier ministre Mercier, et c'est toute une organisation, c'est pas juste une personne, c'est ça que je me suis rendu compte. Et que les francophones, donc, pour boucler la boucle encore une fois, oui, il y a eu cette crise de la conscription qui a profondément marqué la politique canadienne, mais au-delà de ça, il y a des francophones, Roger Coulombe et d'autres, qui sont allés combattre et qui sont à l'origine de cette victoire contre l'Allemagne nazie. C'est ce que je retiens pour terminer cette émission de vos propos. Hélène de Billy, ça a été un grand bonheur de vous recevoir. Je rappelle que vous venez de publier le livre « Le Burning Kid, le Québécois téméraire qui a bombardé l'Allemagne durant la guerre ». Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.